que je vois dans ton combat la survie du moindre ruisseau, comme si tu défendais ta peau. Quand le temps fuit, qu'est-ce qu'on atteint? Nos rivières en mémoire du temps où l'on buvait au creux de la main. Lumière d'été, rumeur de l'eau, rumeur de l'eau. S'éclaire les yeux ouverts, un peu de respect pour la terre, c'est ce qu'a toujours dit mon frère. Nous étions sourds à ses prières. Quand tout s'éclaire et qu'on renoue avec le fleuve nos désirs fous, désirs d'orage et de printemps, désirs de venger les torrents. Porteurs d'eau, porteuses d'eau, c'est fait de lacs, c'est fait de monts, c'est fait de larmes, c'est fait de pluie, c'est fait de lune, c'est fait de vie. Porteuses d'eau, porteurs d'eau, c'est la colère qui veut parler, c'est la rivière qui veut couler. Porteurs d'eau, de lacs et de monts. Le temps fuit pour toi et moi. Qu'est-ce que l'on donne à notre enfant? La vérité du temps présent, beaucoup d'espoir et des pourquoi. Quand tout s'éclaire autour de nous, toucher la terre, le vent, la pluie, toucher des mains la poésie, comme une eau claire sur tous les mots. Porteur d'eau, porteuse d'eau, c'est fait de lacs, c'est fait de mots, c'est fait de larmes, c'est fait de pluie, c'est fait de lune, c'est fait de vie. Porteuse d'eau, porteur d'eau, c'est la colère qui veut parler, c'est la rivière qui veut couler. Porteur d'eau, de lacs et de monts.